Alors, là, c'était poser la question de savoir qu'est-ce que c'était une action efficace aujourd'hui, étant entendu que bah, ce n'est pas si évident au sens où bah, les formes traditionnelles de l'action politique, militante, elles sont un peu... Enfin, leur efficacité est plus tellement évidente. Ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement inutiles ou désactivées, mais qu'elles ont perdu de leur vivacité. Ben, évidemment, je pense à la grève, qui, sans être complètement anéantie, sa force est plus si vivace que dans d'autres moments historiques, pour plein de raisons que tout le monde connaît ici. Le fait que l'appareil productif s'est complètement adapté aussi à ces types de luttes. L'économie de flux et compagnie, le fait que le droit de grève a quand même été aussi très limité d'une façon directe ou indirecte, que une partie de l'appareil syndical a été plus ou moins intégrée, ou en tout cas est plus ou moins atone, quoi, partie tout au moins. Sur la question du blocage, l'élément c'est qui est revenu un peu depuis les années 2000, c'est les histoires de blocage économique, qui semble un peu pas prendre le relais, mais en tout cas chercher à consolider les grèves ou à se substituer quand elles sont pas possibles. Et on voit que l'efficacité aussi elle est réelle, mais elle est aussi elle trouve des espèces de limites sur comment le blocage de l'économie il est pas toujours accompagné d'une forme d'affirmation d'une communauté nouvelle, comme l'occupation des ronds-points à travers les gilets jaunes manifestait aussi une espèce de communauté en formation, et dans les blocages c'est pas toujours si évident que ça. En tout cas, qu'est-ce que ça affirme au juste sur ce qui se passe autrement que enrayer le processus adverse? Et le troisième élément qu'on voulait aborder, c'était l'émeute, et là aussi il y a elle trouve pas toujours d'une manière nette un espace dans lequel elle résonne comme manifestation populaire et pas comme un mouvement de quelques-uns, de groupes, quoi. Et que ça, il y a un peu la comparaison avec la Révolution française sur le fait que l'émeute de la Bastille, la prise de la Bastille, elle a pris une autre dimension dès lors qu'il y avait tout un espace symbolique qui était créé à travers les états généraux, à travers les serments du jeu de paume, et que du coup, cette question, c'est comment l'action efficace, elle est aussi liée à des formes de symboles populaires qu'on invente, qu'on recrée, d'espèces de rituels, et que ça, c'est pas donné pour aujourd'hui. On ne peut plus reprendre simplement les codes anciens. Et à contrario, voilà, je trouvais intéressant de mettre en avant le fait que au début décembre, là où je pense que le mouvement a atteint une espèce de très grande force, où le pouvoir a vraiment pris peur, et on l'a perçu avec cette histoire de Macron qui préparait son hélicoptère, prêt à quitter les lieux. Et donc c'est intéressant de savoir, mais pourquoi au fond ils ont eu très très peur à ce moment-là? Est-ce que c'est seulement... Est-ce que c'est seulement l'intensité de l'émeute? Est-ce que c'est tout un ensemble aussi de perception de comment les choses tournent qui tombaient, c'est-à-dire le fait que effectivement c'est des gens qui pour certains d'entre eux habituellement ne disent vont au travail, ne forcément sont pas toujours des contestataires, et que ça a changé beaucoup de choses. L'occupation des ronds-points en est une autre. Le fait que le mouvement semble facilement rejoignable à travers le fait de porter un gilet jaune, c'est assez simple. Et cette idée aussi de le fait que les manifestations, comme ça a été dit, il n'y avait pas de service d'ordre, pas de parcours déposé, enfin tout un ensemble de représentations sur comment fonctionne habituellement la contestation et qui l'amène, qui tombait à ce moment-là et qui était assorti, pour ce qui est de Paris ou d'autres grandes villes, de formes émeutières avec des barricades dans Paris qui visaient autant à protéger qu'à affirmer une espèce de possession de l'espace public. Et du coup, voilà, ce qui nous semblait intéressant, c'est de poser l'action efficace, non pas seulement du point de vue de la force, mais du point de vue aussi de ce que ça déplace comme représentation commune, quoi. Voilà. Oui, bonsoir. Je pense que vous êtes un certain nombre, sans doute, à avoir vu sur le site du Monde Diplo une carte absolument géniale qui présente tous les lieux de pouvoir à Paris. Donc c'est à peu près, je sais pas, 50 ou 60 lieux de pouvoir. Alors ça va des entreprises du CAC 40 au pouvoir institutionnel, aux médias, bien entendu, mais aussi aux lieux culturels, hautement symboliques, tous les grands lycées, etc. Et alors, je me disais, en termes d'action efficace, qu'il y avait un truc qui n'avait pas encore été tenté, c'est d'occuper, mais simultanément, tous ces lieux. Enfin, d'occuper, j'entends faire des sit-ins devant, mais un samedi, par exemple, mais tous ensemble, et tous devant ces soixantaines de lieux. Alors, peut-être que c'est une idée qui a déjà circulé sur les réseaux sociaux, moi, je n'y suis pas, mais je me dis que c'est un truc qui n'a pas été fait, parce que c'est relativement facile de vider des milliers de manifestants d'une seule place, ou même de deux places en même temps, ou de suivre une manif qui déambule dans Paris. Mais si on imagine qu'il y a des milliers de personnes en même temps, sur justement devant 50 lieux, l'Assemblée, tata, etc., etc., là, ça devient peut-être vachement plus compliqué pour les forces de l'ordre, quoi. Donc je me dis, c'est peut-être un truc à tenter. Alors je suis peut-être naïve, j'en sais rien, mais voilà, je voulais soumettre ça. Oui, je voulais dire, pour moi, effectivement, ce mouvement a produit une œuvre considérable, mais vraiment une capacité d'inventer qui m'a sidéré. Par exemple, sur les formes de la manifestation, sans banderole, avec des gens qui se croisaient, non pas par affinité, mais parce qu'on était là à ce moment-là, des manifestations où on discute avec l'autre qu'on ne connaît pas, ou justement, ce qui peut être divers produit le commun parce qu'on rentre en relation. Et de l'efficacité, parce que ça fait peur. Mais ce neuf qui est apparu, il est apparu parce qu'il y a de l'ancien qui a dépéri. C'est-à-dire, effectivement, on ne veut plus être représenté, on ne veut plus qu'on décide pour nous. Moi, j'étais très, très attaché au fait que, dans les manifestations, au départ, il y avait 5-6 propositions. Et on y allait au sentiment. Et au sentiment, il y a quelque chose qui nous attirait par là-bas. C'est-à-dire que Le sensible était une manière de connaître ce dont, vers où on allait aller. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que les formes anciennes, elles ne sont pas mortes seulement parce qu'elles ont vieilli. Elles sont mortes parce qu'elles ont été combattues. La grève a été combattue parce que maintenant, les entreprises sont moins sensibles parce qu'elles fonctionnent par flux. Au fait du blocage, c'est-à-dire qu'il y a moins de maîtrise pour les salariés de l'outil de travail. Elles ont été combattues aussi parce que le flux nous touche aussi. C'est-à-dire quand c'est beaucoup plus difficile de se débrouiller sans salaire, c'est-à-dire de faire grève. Moi, j'ai fait des grèves longues, je ne sais pas si je pourrais financièrement les faire maintenant. Elles ont été combattues aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas faire grève, les précaires, les chômeurs, les travailleurs indépendants, ceux qu'on a indépendantisés. Moi, je vais vous raconter une histoire. C'est-à-dire, dans une ville précédente où j'habitais, on a vu apparaître des camions partout. Et on s'est dit, comment ça se fait qu'il y a des camions partout ? Ben, c'est tout simplement l'entreprise Ducros qui avait vendu le terrain où elle stockait ses camions, qui avait vendu ses camions à ses salariés, qu'on avait fait des entrepreneurs. Mais comme elle, l'entreprise, gardait le carnet de commandes, ces mecs-là étaient dans une dépendance encore plus terrible qu'avec le salariat. Et en plus, c'était leur femme qui faisait leur compte. Donc les formes anciennes ont été attaquées. Et moi, ce que je trouve fort, c'est que le mouvement des Gilets jaunes a réussi à inventer des formes nouvelles qui mettent dans la lutte des gens qui ils avaient envie de lutter puisqu'ils luttent, mais qu'on ne trouvait jamais avant. Parce que, par exemple, les intérimaires, c'était les variables d'ajustement des entreprises, même pour les syndicats. Même pour les syndicats. Sur la question de la révolte, de l'insurrection, je pense qu'il y a des choses, on ne sait pas quand ça arrive, mais elles surgissent. Par exemple, c'était peu prévisible ce qui s'est passé. Ça a surgi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on prépare les conditions du surgissement. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas qu'on fasse attention au ressaisissement des formes anciennes chez nous. On le voit, par exemple, même à Montreuil. C'est compliqué, c'est fatigant de devoir inventer tous les jours. C'est fatigant et c'est beaucoup plus facile d'avoir un chef. C'est pour ça que la question d'être joyeux, c'est pour nous très important d'être joyeux. Alors, par contre, Moi, ce que je crois, c'est qu'il n'y aura pas d'issue propositionnelle au mouvement des Gilets jaunes. Alors, je vais revenir sur Macron, parce que Macron est incapable, du fait de par qui il est tenu, de répondre positivement aux attentes qu'il connaît que nous avons. Donc, il n'y aura pas de réponse propositionnelle. Et on voit bien que même il a la trouille, parce que moi, il me semble que les patrons, ils se disent « ça ne peut pas durer comme ça », et ils préparent la possibilité que Marine Le Pen prenne la relève. Comme le disait Jacques Rancière, il y en a plein qui sont prêts à prendre la relève. Et elle le fait en modifiant ses propositions de manière à être compatible avec ceux qui peuvent le soutenir, qui peuvent la soutenir. Mais s'il n'y a pas de réponse propositionnelle, il y a une réponse politique pour moi. La réponse politique, c'est ce qu'on invente, c'est ce qu'on est en train d'inventer. Mais il y a une vie en dehors de nous aussi qui nous agit. Par exemple, s'il y a une dissolution, ce que je pense qui est devant nous, la dissolution, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne pense pas qu'il faut... Moi, j'ai mes opinions politiques et qui sont différentes de celles d'autres. Et on fera des choses différentes à ce moment-là. Mais moi, ce que je pense, c'est que la dissolution ouvrirait une période qui serait une période d'instabilité, et tant mieux de trouble, une période où il n'y ait pas de majorité, c'est-à-dire où le débat soit, où on soit contraint de poursuivre le débat et la bataille. Moi, c'est mon sentiment. C'est mon sentiment qu'on ouvre cette période-là. Et dans cette période-là, c'est pour moi essentiel de pouvoir rester ensemble, quels que soient les choix que nous aurons faits à ce moment-là, parce que moi, je sens chez nous, en commun, une envie de construire, de nous débarrasser d'une chose et d'en construire une autre qui a beaucoup de... C'est-à-dire que longtemps, on a été agi par la haine de proximité entre nous et aujourd'hui, on apprend à se connaître et à travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment pour moi un gage pour l'avenir. Bonsoir à tous. Donc le thème de la discussion, c'est l'émeute. C'est toujours difficile de borner les termes. Je vais commencer par l'émeute, puis je finirai peut-être un peu ailleurs. Donc je pense que l'émeute, c'est une forme élémentaire du politique pour les personnes qui sont privées de pouvoir. L'émeute, c'est la politique des pauvres, en fait. La politique des dominés, la politique de ceux qui n'ont comme pouvoir, en fait, que de retirer leur participation à la paix sociale. Et je pense que là-dessus, effectivement, l'émeute a été fondamentale et essentielle à ce mouvement. C'est ce qui les a énormément déstabilisés. En fait, Macron, c'est quelqu'un qui a vécu sans avoir à jamais regarder en face quiconque qui n'appartienne pas à son milieu, qui n'appartienne pas aux classes dirigeantes. C'est quelqu'un qui est tellement un bel ami, un Rastignac, qu'il a complètement oublié qu'en fait... les pauvres, c'était la masse. C'était la masse des gens. C'est quelqu'un qui a quand même... Je veux dire, il a fait quelque chose de phénoménal avec l'élection présidentielle. Il a voulu faire en sorte de mettre en place une stratégie populiste en direction d'une population qui n'était pas une masse, qui était simplement une classe. Il a voulu mettre en place une stratégie populiste de personnes, de leaders charismatiques, partageant les caractéristiques de sa classe, en oubliant complètement que les riches, ce n'était pas une masse. Et la masse s'est rappelée à son bon souvenir grâce à l'émeute, en fait. C'est-à-dire que ça a forcé l'émeute des Gilets jaunes, les émeutes des Gilets jaunes, ça a forcé Macron à regarder la masse, les masses, les personnes en face, ce que beaucoup de gens ont appelé le peuple, en fait. Et donc voilà, on leur a rappelé notre existence. Je pense que ce qui les a complètement sidérés, c'est qu'ils avaient arrêté de voir la majorité des gens, en fait. Mais par contre, le truc, c'est que ça va pas durer. On s'est rappelé à leurs bons souvenirs et ils ont décidé de reprendre les choses en main. C'est-à-dire que l'efficacité de l'émeute a été phénoménale, et je dis vraiment pas qu'il faut arrêter l'émeute, mais je pense que l'effet de sidération, on l'aura qu'une fois. C'est un fusil à un coup. Donc maintenant, il faut aussi commencer à inventer d'autres choses, parce que l'émeute, c'est fantastique et je pense qu'il faut maintenir absolument le rapport de force. Mais par contre, les armes à la main, ils gagneront toujours. Ils ont des armes qui peuvent nous tuer, nous décimer. Donc, le virage autoritaire que Macron est en train de négocier, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la reprise en main. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il a fait une connerie, qu'il a oublié qu'il fallait contrôler la masse. Et là, il est en train de reprendre la main là-dessus. Et donc, je pense que de notre côté, ce qu'on peut faire, c'est déjà affirmer un truc que les Québécois ont et qui est fantastique, c'est le respect de la diversité des tactiques. Donc, on ne se tire pas dans les pattes les uns les autres. On est à l'aise avec certains modes d'action. On met en œuvre nos modes d'action et on n'emmerde pas les autres parce qu'ils en mettent en œuvre d'autres. Voilà. Ça, c'est un premier truc. Voilà, et donc pour rester, je pense, irrécupérable et insaisissable, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont commencé à être mises en œuvre. Ce qui s'est passé à Commercy, c'est quand même phénoménal. C'est l'amorce d'un processus constituant, instituant, on va appeler ça comme on veut. Donc voilà, je pense qu'il faut. Ce qui est en train de se mettre en place à Saint-Nazaire aussi. Donc il faut pouvoir poursuivre tout ça, rester insaisissable. Et donc continuons le rapport de force et inventons d'autres choses. Bon, j'ai pas grand-chose à ajouter, sauf quand même, c'est par rapport à l'idée du peuple, quoi. Ce qui me paraît quand même important, c'est que il s'agit pas simplement de dire, le Macron a oublié le peuple s'est rappelé à lui, parce que ce qui se rappelle à lui, c'est toujours quand même, c'est pas le peuple, c'est pas la population, c'est pas la grande masse, c'est même pas la grande masse des pauvres, c'est des gens qui tout d'un coup comme ça déclenchent quelque chose et qui s'y rallient. Et bon, ça veut dire que le peuple c'est pas quelque chose qui existe avant l'action, quoi. Le peuple, c'est l'action crée un certain type de peuple, quoi. Il faut bien voir ça, je crois, que pas toujours se référer à quelque chose comme un peuple qui serait par derrière, qui serait une espèce de substance. C'est pas une substance, un peuple, c'est un résultat. Et un résultat, ça veut dire, effectivement, les Gilets jaunes, ils ont créé quelque chose comme un peuple. Un peuple, effectivement, imprévisible par rapport au gouvernement. Et ils l'ont créé de diverses manières. C'est-à-dire pas simplement par l'émeute. C'est-à-dire que, l'histoire des ronds-points, ça a quand même été un truc un peu étonnant. Disons, l'expérience automobiliste, c'est normalement... on connaît les blocages des routes, quoi. On connaît les blocages des routes. C'est-à-dire qu'on connaît des gens qui décident un jour de vous embêter en bloquant les routes, quoi. On a connu ça avec les grèves des routiers, on a connu ça avec certains mouvements d'agriculteurs, etc. Ça veut dire que tout d'un coup, on se trouve derrière comme ça des tracteurs qui sont là, qui occupent l'espace, et pendant 2 heures, et puis rien ne se passe, et puis on vous dit rien, quoi. Alors que ce qui était quand même étonnant des Gilets jaunes, la première fois qu'on les rencontrait, c'est il y avait un rond-point, et puis on vous parlait, et puis quelque chose se passait, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas justement dans la logique simplement de blocage, dans la logique simplement de on porte un coup à l'ennemi, mais on est effectivement dans une logique de créer un peuple, de tisser des liens autour d'un lieu, autour d'une action, quoi. Alors moi, je pense qu'il faut vraiment penser la question. L'émeute, c'est un mot compliqué, l'émeute. C'est d'ailleurs drôle qu'on le reprenne maintenant, parce que très longtemps, c'était péjoratif, quoi. Disons, de même, on connaît bien le grand texte de Victor Hugo, l'émeute, c'est le truc du passé, donc c'est mauvais, l'insurrection, c'est l'avenir, donc c'est bien, quoi. Et bien, on voit bien que le mot réémeute revient, parce que le mot insurrection, maintenant, fait peur, quoi, parce que personne ici ne voit bien, disons, comme ça, le parti organisé en voyant ses troupes à l'assaut du pouvoir, pour prendre le pouvoir et pour faire quoi. Donc voilà, le mot émeute, c'est un mot pour désigner, en quelque sorte, les formes de violence, des formes d'illégalisme qui effectivement sont efficaces, quoi. Mais c'est vrai, je crois qu'elles sont efficaces pour autant qu'elles créent un peuple. Créer un peuple, c'est créer tout un espèce d'espace symbolique. C'est pour ça que je pense que c'était un intéressant ce qu'a dit Thierry, un peu surtout ce rappel un petit peu des symboles révolutionnaires, quoi. Parce que même les drapeaux tricolores, même c'est un peu étonnant. Moi, je passe souvent près d'un rond-point où il y a un drapeau tricolore et puis à côté il y a un poster. Et le poster, c'est qui ? C'est Che Guevara, quoi. Ça veut dire que le drapeau tricolore, ça peut être aussi bien effectivement la Révolution française, la Marseillaise, que l'affirmation des petits blancs racistes et compagnie, quoi. Donc je pense que il faut tenir à cette espèce de constitution d'une espèce de symbolique collective. Et effectivement, émeute, ça veut dire effectivement d'abord aujourd'hui surprendre tous les jours, être tous les jours ailleurs que là on vous demande. Alors être en 60 lieux différents. différent dans Paris. C'est un peu, bon, c'est un peu difficile. D'abord, il faut du monde. Et puis, bon, on a tous l'habitude un peu de ces sit-ins, de ces petites manifs devant les ministères. Ce matin encore, il y en avait une devant le ministère de la Culture, les intermittents. Bon, il y avait là. Alors, bon, faire ça en 60 lieux à la fois, c'est pas très intéressant, je pense, quoi. Et c'est pas non plus très intéressant, je pense, de compter sur la dissolution. Mais en général, c'est pas intéressant de compter sur l'ennemi, disons. Parce que, bon, ce qui est quand même extraordinaire dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que précisément, c'est un mouvement qui a pas compté sur l'ennemi, quoi. Qui s'est déclaré, quoi. Donc voilà, je pense pas qu'il faille supposer que ce serait bien si on avait une dissolution. Si on a une dissolution, on aura des élections, on aura des partis qui chercheront à avoir chacun leur gilet jaune, que sais-je. Mais en tout cas, bon, c'est toujours plus ou moins quelque chose qui casse un mouvement, et pas du tout, je pense, quelque chose qui lui donne de la force, quoi. Bonsoir. Comme c'était question de forme d'action efficace, je voulais juste dire un truc. La diversité de tactiques, autonomie, etc., bien sûr, oui, absolument. Je voulais juste dire que voilà, il y a déjà une forme que je considère efficace de l'action qui s'appelle la casse. Il y a des gens qui cassent des trucs, la propriété capitaliste privée. Et j'ai l'impression que, voilà, au moins depuis peut-être 2005, ça devient complètement central dans les tactiques de répression du gouvernement. La notion de casseur, c'est-à-dire qu'on essaie toujours de diviser les gens entre ceux qui cassent et ceux qui ne cassent pas. On essaie de leur vendre le truc, voilà, que là, ils sont violents, méchants, là, et les autres se désolidarisent de eux. J'ai l'impression qu'avec ce mouvement-là, il y a un truc très particulier, c'est que la violence policière, elle devient très, très visible pour des raisons diverses, parce qu'on se méfie des médias, on utilise Facebook, Twitter, là. Mais ça devient très, très, très visible, et ça donne lieu aussi au fait qu'on peut rétamatiser le truc de casse, que les gens achètent moins l'idéologie de gouvernement, voilà, des casseurs et tout ça. Et moi, juste, voilà, comme un truc à proposer et tout, j'ai l'impression qu'il faut un peu miser dessus, c'est-à-dire que c'est une des formes d'action qui est efficace, qui existe déjà, qui, à mon avis, elle a beaucoup de force, qui fait peur au gouvernement, et qu'il faut penser à des formes concrètes, matérielles, de solidarité avec les gens qui cassent. Pendant les manifestations, il faut penser à des slogans comme « on est tous des casseurs », etc. Pour ne pas les laisser attraper très facilement, etc. Tout ça. Et juste pour dépasser et faire le mouvement dépasser ce faux pacifisme citoyeniste de merde. Voilà. Bon, nous, enfin, deux choses. Bon, d'abord, les casseurs, bon, c'est quand même une vieille histoire. Hein. Enfin, je veux dire, on connaît ça en 68 déjà. Bon, le thème des casseurs, c'est un thème qui est absolument récurrent. Donc, ça n'a pas été inventé maintenant. Une première chose. Bon, deuxièmement, casser. Non, encore une fois, la question n'est pas tellement de penser qu'il y a une forme spécifique d'efficacité dans le fait de casser. C'est-à-dire, bon, je pense pas que le capitalisme, disons, se souffre beaucoup du fait comme ça que, bon, on casse une vitrine, qu'on casse la vitrine, ou que sais-je, ou qu'on casse un distributeur. Donc, voilà, je pense que, c'est des choses qui arrivent, en quelque sorte, dans le cours des actions, quoi. Penser qu'il y a là une espèce de forme d'action spécifique qui va mettre à mal le capitalisme, ça me paraît plus risqué. Si je peux me permettre juste très rapidement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps de proposer des actions. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le, j'ai entendu parler de Gilets jaunes qui avaient occupé bloqué l'usine Monsanto. J'ai entendu parler de Gilets jaunes qui étaient allés mettre des banderoles sur la villa de Pierre Gattaz. J'ai entendu parler de Gilets jaunes qui s'étaient solidarisés avec des migrants. Et en fait, tout à l'heure, on parlait de la xénophobie des gens de gauche, notamment par rapport aux bons et aux mauvais pauvres. Et ça serait des façons un peu d'étendre le mouvement et de montrer justement que les peurs irrationnelles de xénophobie, racisme, tout ça, alors qu'en fait, on parle depuis 4 mois dans ce pays d'inégalité sociale, d'évasion fiscale, ce qu'on n'a jamais entendu parler, pour moi en tout cas, au moins depuis des années. Donc en gros, peut-être faire des actions comme ça un peu stratégiques qui ciblent et qui permettent de fédérer et donc d'agréger et d'étendre le mouvement. Parce que finalement, être contre Macron, ok, mais comme disait Jacques Rancière, Macron sera remplacé par un autre et les forces qui le soutiennent ne vont pas mettre longtemps à trouver quelqu'un pour prendre sa place. Sauf qu'en fait, ce qu'on n'aime pas dans Macron, c'est le choix qu'il propose. On n'a pas envie de ce néolibéralisme, on n'a pas envie de ces politiques déshumanisantes. Pendant, en même temps, concomitant avec le fait que la maison brûle, on a vu le rapport du GIEC. C'est marrant quand même que les Gilets jaunes interviennent en même temps que les marches pour le climat. On a l'impression qu'il y a une sorte de cloison entre ceux qui marchent pour le climat, qui disent 1, 2 et 3 degrés, on marche pour le climat, super. C'est très effrayant, le capitalisme a peur. Et en même temps, on voit les Gilets jaunes et il y a peu de... pour moi, il y a vraiment moyen d'agréger les deux réalités parce que finalement, la politique de Macron et de tout le reste, à savoir toujours plus de profits, toujours plus de productivité, toujours plus de consommation, toujours plus de croissance, c'est pas viable. Il suffit de regarder le rapport du GIEC, de regarder des trucs, on voit bien qu'on va droit dans le mur. Et je pense qu'il y a un gros malaise et que tout le monde est un peu au courant de ça. Et donc un peu essayer de réfléchir à des actions stratégiques qui permettent de fédérer et d'être un peu cohérent par rapport à la situation. Voilà.